des repères. Y'a pas que la boussole et tu verras au fil du temps qu'on ne s'enterre pas tout seul. Bootsum garé sur le parking, 2h du mat, on part à Cannes, prend l'autoroute, on tartine. Ouais, t'es bien avec lui, il est bien avec toi. Pour ça faut partager autant de fêtes que de victoires. Si vous vous faites la gueule, ne continuez pas. Parce qu'au fond tu sais qu'il n'est pas bien quand tu ne l'es pas. Il suffit d'un petit problème et la machette parle. Faut compter là sur l'autre, l'oseille ne vous achète pas. Un gros point positif dans ce monde de bâtard. La fusion d'une vraie confiance peut vous rendre imbattable. Tu sais, pour lui tu peux finir ensemble. Tellement partagé que vous savez même niquer de meufs ensemble. Mais c'est un truc de fou, je viens juste y penser. Dans l'au-delà jugé différemment mais pour le même péché. Ta famille c'est la mienne, ma famille c'est la tienne. Perd la vie, perd la muerte, c'est gravé dans la pierre. Ouais, on restera dur, même si les vagues s'amènent. Si ta femme te trompe, c'est moi je nique sa mère. C'est souvent dans la merde que les vrais liens se créent. Me pèse pas toi seul à les clés de mon jardin secret. Ici un plan à faire, avec toi je l'enquille. T'es chez les keufs demain, je peux dormir tranquille. Ton avocat, je me sentirais si seul que tu sors au matin. Je me noierais dans la vodka. S'il y a des ragots sur moi, je sais que tu prends mes patins. Ils sont jaloux, on n'est pas comme cette bande de catins. Nique sa mère les chiens, c'est nous les plus fidèles. Tellement soif de soins ensemble qu'on veut racheter le Sofitel. Je pourrais compter sur toi, pour moi c'est mon cercueil. C'est mon petit frère bouge de travers, mais lui te bave dans sa gueule. Arroser la racine avant que la fleur se fane. Pour moi, un ami, ça vaut bien plus cher que toutes les femmes. Ils ne feront jamais comme Domenech et Pires. Si tu t'embrouilles avec quelqu'un, il prend le temps direct. Respect envers ta mère, il fera pareil avec tes mômes. Bourré du sort de boîte, vous roulez, vous refaites le monde. Arroser, c'est l'enfance, à s'envoyer des fans. Gravé à tout jamais, mille ou des lunettes de rêve et valeureux. A tous les mecs là, qui se regardent mal, s'insultent gratuitement, ils se tirent dessus pour deux balles, ça sert à rien. Et tous ceux qui sont du même quartier, ils se disent bonjour et s'insultent la merde dans le dos. Comme du pot green, au lieu de marcher ensemble, ils préfèrent se mettre ensemble. Égoïstes, ils veulent tout pour eux, l'amitié, sa mère. Essaye de porter 500 kilos tout seul, mon vieux, t'y arrives même pas. Alors qu'à 10, c'est pas la même histoire. Moi, des amis, j'en ai peu. Mais j'en ai. Je suis là pour eux, ils sont là pour moi. On n'attend pas de retour. On se respecte mutuellement. Je te demanderai jamais mon Dieu. Et t'as fait des choses pour moi, mais jamais ça sur la table. Et ce genre du je t'en veux, à toi ou à d'autres, c'est que j'ai mes raisons. Le cœur plus gros que le ventre. Mais qu'une fois, je suis toujours le même. La crime.